Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Fadjet 94.2 FM à Nancy. Voici tout de suite l'émission Histoire d'en parler. Et pour m'accompagner aujourd'hui dans cette nouvelle émission d'Histoire d'en parler, voici les deux cofondateurs de l'entreprise La Madeleine. Florian Valin, bonjour. Marine Marquette, bonjour à vous aussi. Voilà, vous allez donc nous parler du sujet cuisant de la semaine, c'est-à-dire la Saint-Nicolas. On revient vers vous juste après. Et nous avons aussi Pierre, qui est le président d'Histoire d'en parler, mais qui lui va nous parler de l'Arabe du futur de Riyad Statouf, l'album phénomène du moment. Alors, tout de suite, nous allons partir avec vous pour fêter la Saint-Nicolas, puisque, en effet, comme vous le savez, nous fêtons aujourd'hui jusqu'au 25 décembre la Saint-Nicolas à Nancy. Donc, Florent Valin et Marine Marquette, si l'un d'entre vous peut nous dire quelle est l'origine historique de la Saint-Nicolas et pourquoi ce saint et pas un autre. Saint-Nicolas, donc, c'est un personnage historique qui serait né vers la fin du 3e siècle en Lycie, donc en actuelle Turquie, et qui en fait va devenir un des tout premiers évêques de la chrétienté, donc un personnage très important à l'époque, et qui va être célèbre de son vivant puisqu'il va accomplir de nombreux miracles. Donc à sa mort, ses reliques, son corps va être conservé dans l'église où il était évêque, à Myre. Et en fait, au XIe siècle, pardon, on a peur des invasions arabes. Et donc des Italiens, des marins de Bari, vont venir récupérer la sépulture de Saint-Nicolas pour la ramener en Italie. Alors, pourquoi Saint-Nicolas arrive en Lorraine? Eh bien, tout simplement parce qu'une dizaine d'années plus tard, un certain Aubert de Varangéville, donc un petit village non loin de Nancy, va venir en pèlerinage à Bari. Et en fait, il va réussir à subtiliser une relique de Saint-Nicolas, c'est-à-dire sa phalange. D'accord. Voilà, donc c'est ainsi que la phalange arrive en Lorraine, puisqu'il décide de la déposer donc à côté de Varangéville, dans la petite ville de Port, qui par la suite deviendra Saint-Nicolas de Port. D'accord. Et voilà, donc c'est comme ça que le pèlerinage va commencer à se développer, donc un pèlerinage très important. Il faut imaginer qu'à une époque, Saint-Nicolas de Port, c'était une ville beaucoup plus grande et beaucoup plus riche que la ville de Nancy. Un peu comme toutes les villes en Lorraine. Voilà, donc malheureusement, les aléas de l'histoire ont marqué le déclin de cette cité, mais pendant une période, c'était vraiment une période très riche de par le pèlerinage. Et en fait, pourquoi Saint-Nicolas est devenu le saint patron des Lorrains? Eh bien, c'est grâce à un duc de Lorraine, le duc René II. D'accord. Qui en fait, en 1477, donc c'est la date de la fameuse bataille de Nancy, qui oppose les Lorrains aux Bourguignons. Et en fait, à la veille de cette bataille, donc le 4 janvier, René II poste ses armées à Saint-Nicolas de Port. Il assiste à une messe dans l'église qui se trouve alors. Et en fait, il fait le serment, donc il décide de placer ses armées sous la protection de Saint-Nicolas. Et il décide, il fait le serment que s'il gagne, il fera reconstruire une toute nouvelle église pour Saint-Nicolas. Donc le lendemain, c'est la bataille, c'est une éclatante victoire pour les Lorrains. Et donc c'est René II qui décide de faire de Saint-Nicolas le saint patron de la Lorraine. Et est-ce qu'il y a en fait une confusion à faire avec le fait que l'on fête aussi la Saint-Nicolas le 6 décembre en Allemagne? Alors Saint-Nicolas, c'est un saint qu'on fête en Lorraine traditionnellement, de par voilà, c'est cette tradition, mais c'est un saint qu'on vénère également beaucoup, donc en Europe de l'Est, en Europe du Nord. Voilà, donc la Saint-Nicolas, ce n'est pas qu'en France, c'est également aussi donc en Allemagne, aux Pays-Bas, etc. D'accord, ok. Donc, voilà. Et donc voilà, donc René II gagne cette bataille. Donc le patronage de Saint-Nicolas sera reconnu par le pape au XVIIe siècle, hein, de manière officielle. Et René II fera bien évidemment reconstruire la basilique actuelle, qui est à Saint-Nicolas-de-Port, suite à la victoire. D'accord, et donc ce lieu de pèlerinage, est-ce qu'il est toujours, il attire toujours autant de pèlerins ou pas? Alors il y a toujours des visiteurs qui se rendent à Saint-Nicolas-de-Port, puisque c'est une basilique gothique flamboyante, qui est vraiment superbe, qui a été complètement rénovée il y a quelques années suite à un don d'une portoise qui a donné beaucoup d'argent pour la restauration. Et voilà, ce qui ramène toujours beaucoup de monde, c'est bien évidemment le week-end suite au 6 décembre, il y a la fameuse procession de Saint-Nicolas. Donc il y a une messe qui est célébrée le soir avec une procession au flambeau. Donc voilà, cette procession, elle existe depuis 1240. Elle a été inventée grâce à un homme qui s'appelait Cunon de Richicourt, qui en fait avait été emprisonné en Palestine, qui avait prié Saint-Nicolas pour être libéré, puisque c'est également le saint patron des prisonniers. Et en fait, le miracle s'accomplit, Cunon de Richicourt se retrouve téléporté devant la basilique de Saint-Nicolas de Port, depuis la Palestine. Et deuxième miracle, c'est-à-dire qu'il est toujours enchaîné, personne n'arrive à enlever ses chaînes, et là, il reprit Saint-Nicolas, et là, les chaînes tombent à ses pieds. Second miracle. Et donc ces chaînes ont été conservées dans le trésor de la basilique hein, pendant de nombreuses années. Et c'est lui qui a donc décidé d'instaurer cette procession qui a eu lieu tous les ans depuis 1240, à l'exception de 5 années, je crois, pendant la Seconde Guerre, où elle n'a pu avoir lieu. D'accord. Eh bien, en tout cas, ce qui est très intéressant dans cette fête, c'est que Saint-Nicolas, moi-même, avant, moi qui ne suis pas nancéien, ben, en fait, je la confondais avec la fête en Allemagne que l'on fêtait donc le 6 décembre. Par contre, avec toi, Florent, pour toi, qu'est-ce que représente donc cette fête dans la vie culturelle de Nancy et notamment en plus à travers l'entreprise La Madeleine ? Alors, moi non plus, hein, comme toi, à l'origine, je suis pas lorrain, ni nancéen, je suis de la région parisienne. Ah ouais. Alors, je le dis pas toujours en visite, hein, parce que un parisien qui apprend l'histoire de sa région, de leur région à des locaux, enfin, je dis ça en rigolant, mais justement, en arrivant ici, je me suis rendu compte de l'importance considérable qu'avait Saint-Nicolas, puisque la fête de la Saint-Nicolas, puisque dans d'autres régions, on en entend très peu parler. On pense justement que c'est plus en Allemagne, aux Pays-Bas. Mais quand on arrive à Nancy particulièrement, plutôt qu'à Metz ou à Strasbourg, à Nancy particulièrement, dans l'est de la France, on s'aperçoit vraiment que c'est quelque chose de très important, toutes ces festivités. On parle à n'importe quel Lorrain. Il regarde avec des étoiles dans les yeux en pensant au défilé et aux cadeaux. Parce qu'en plus, c'est pour ça que les Lorrains sont chanceux. Hein, ils ont des cadeaux deux fois au mois de décembre. Donc en tout cas, on s'est aperçu... les chanceux. on s'est aperçu de l'importance considérable que ça avait dans la vie culturelle par rapport à tous les événements, toutes les festivités qu'il y a dès le début du mois de décembre. Et donc nous, c'est pour ça qu'avec la Madeleine, ça nous a semblé très, très naturel de proposer une visite en lien avec, avec cette festivité. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette visite il y a 3 ans maintenant, qui s'appelle « Dans les pas de Saint-Nicolas ». Donc la visite dans les pas de Saint-Nicolas, vers où elle débute, où est-ce qu'elle se termine, qu'est-ce qu'elle raconte ? Alors c'est une visite qui démarre en Ville-Vieille, devant la porte de la CRAF, qui permet de découvrir déjà dans un premier temps l'histoire de Nancy, puisqu'en fait on la démarre justement symboliquement dans l'axe de la Grande Rue qui va aujourd'hui, qui est poursuivie par la rue Saint-Nicolas finalement, oui. Qui était autrefois en fait, avant que Nancy englobe ce chemin, une route qui allait de Metz à Saint-Nicolas-de-Port. Donc c'était une route que devaient emprunter les pèlerins, typiquement, qui devaient se rendre à la basilique en pèlerinage. Donc ensuite, cet axe a été englobé dans la ville, donc c'est devenu la Grande Rue, puis la rue Saint-Nicolas. Donc voilà, nous on poursuit cet axe en se glissant dans la peau de pèlerins, ça permet de raconter donc l'urbanisation de Nancy, et à certains arrêts, on peut découvrir l'histoire de Saint-Nicolas. Donc par exemple, on termine la visite sur la place Charles III, ou devant l'église Saint-Sébastien, sur l'église Saint-Sébastien, on voit un bas-relief représentant Saint-Nicolas. Il y a d'autres endroits également, ça permet d'évoquer donc l'histoire du saint, comme Marine l'a évoqué, certains de ses miracles. Et petite particularité, c'est que la visite termine sur le marché de Saint-Nicolas, donc sur la place Charles III, par une dégustation, alors non pas de vin chaud, on a décidé de faire un peu plus original et un peu plus local, mais de nectar chaud de Mirabelle. Ah, ça c'est bon. Voilà, qui est un nectar de Mirabelle dans lequel on met de l'eau de vie ou pas. Hein. Pour les enfants, on peut ne pas en mettre. Oh, si, ça peut faire aussi. Évidemment, hein. Ouais, voilà, on va retourner justement comme à l'époque où on en met un peu pour qu'il soit. Voilà. On devrait le faire au début de la visite pour qu'il soit sage, sinon. Comment on le dit ? Mais non, dans l'ensemble, ça se passe bien. Et donc voilà, c'est ça le principe de la visite, permettre de découvrir Nancy sur les pas de Saint-Nicolas. Et est-ce que vous le faites par vous-même ou est-ce que vous faites appel à des historiens ? Alors nous-mêmes, en fait, notre métier, on est guide conférencier. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas historien, mais on se sert du travail d'historien. Donc on passe un certain temps à chaque fois en bibliothèque pour créer des visites. Mm-hmm. Donc c'est vraiment documenté. Hein. Tout ce qu'on raconte, c'est vraiment documenté. C'est l'histoire de Nancy, l'histoire de Saint-Nicolas. Donc on va pas forcément dans des archives, mais on se sert du travail de ces historiens. On trouve tous leurs ouvrages en bibliothèque. Donc voilà, mais c'est moi ou Marine qui à chaque fois faisons la visite. Eh bien, donc, merci à tous les deux d'être venus pour... Merci à vous. Merci. Et donc, alors, on vous rappelle, c'est l'entreprise La Madeleine qui est représentée ici par Florian Valin et Marine Marquette, les deux cofondateurs. Donc, vous n'hésitez pas à aller les retrouver. Alors, sur Facebook, sur un réseau social On a un site internet, donc www.lamadeleine-visite, au pluriel avec un .com. Et donc, pour les réservations de cette visite, ça passe par l'office de tourisme. De Nancy. D'accord, voilà. On ne peut pas faire par d'autres villes, par exemple Lunéville ou... Non, voilà, du coup, nous, on est en partenariat avec l'office pour cette visite, donc les réservations se font directement sur leur site ou par téléphone. Vous avez toutes les dates et les horaires proposés, tout le mois de décembre. Eh bien, d'accord. Alors, nous allons donc marquer une courte pause musicale après cette entrevue et nous allons aller avec Pierre pour voir l'Arabe du futur. Je suis un village, comme quelques autres en France. Ma naissance se situe vers la Renaissance. Moins d'une centaine, quel que soit le recensement. Bien avant les pansements, je n'avais que des paysans. J'en ai vu lutiner, flâner ou glaner des pelletés de Mirabelle vers la fin de l'été. Je crois que l'unique chose qui a changé ma vie fut l'arrivée des taxis, ils sont pleins. Selon mes recoupements, il y a des gueules cassées pour les blessés, prothèses et pansements. Face à face, ils se font front dans les tranchées. Avant tout ce manège, j'étais un village enchanté. On ne me croit pas, ça semble irréel. Avant tout ce manège, j'étais un village enchanté. Les seuls témoins sont les Mirabelles. Avant tout ce manège, ils se sont préparés pour la bataille. Dans l'artère principale, c'est la pagaille. Ils portent des uniformes bleus, rouges, voyants, avec montres agoussées et couvre-chef flamboyant. La grosse Bertha fait face au crapouillot. Le flot de feu est continu, soutenu par les artiflots. Comme à Valmy nous répétait l'académie. Une bataille des acclamations, et c'est la calmie, les murs ont des oreilles. C'est la fête au village, le théâtre aux armées nous fait découvrir le jazz. Il y a des fagnons, des litrons, du tapage, et cette odeur maudite, le vent nous ramène les gaz. Il y a de la joie, des pleurs, des fleurs, la peur tout à l'heure. On a fusillé un déserteur, il avait ce poème dans sa vareuse. Adieu, meusant dormeuse. On ne me croit pas, ça semble irréel. Avant tout ce manège, j'étais un village enchanté. Les seuls témoins sont les Mirabelles. Avant tout ce manège, les seuls témoins sont les Mirabelles. Maintenant que la guerre est passée, il n'y a plus de soldats atterrés dans les tranchées. Les taxis de la Marne s'en sont retournés. Qui aurait pu penser que je les regretterais? En l'an 14, ils étaient des milliers. Démobilisés, je ne les ai pas oubliés. Je repense au boulanger, je sens le pain au millier. Les blessés des Maccabées, mais là au moins je vivais. Ça fait plus de 100 ans que je n'ai plus d'habitants. Quelques mots sur une plaque et puis des ossements. Je le dis franchement, c'est pas l'attente, j'attends le retour de la vie dans la paix ou le sang. Trop court était l'enlisement. Je n'ai plus aucun habitant. Les Mirabelles sont en déshérence. Je suis un village mort pour la France. Eh bien, nous voilà de retour sur l'émission Histoire d'en parler. Et maintenant, nous allons parler de l'Arabe du futur avec toi, Pierre. Oui, tout à fait. Alors, cet album phénomène qui est sorti tout récemment, il n'est pas à son premier tome, hein, notre cher Riyad Satouf qui nous l'a publié. Exactement, du coup, je me suis posé la question, pourquoi suis-je devenu fan de Riyad Satouf? Eh bien, maintenant, tu vas pouvoir nous l'expliquer. Exactement. Alors, Riyad Satouf, déjà, c'est qui? C'est un auteur de bande dessinée, également dessinateur. Que ce soit dans Les Cahiers d'Esther ou dans L'Arabe du Futur, les deux BD ont eu un grand succès. L'Arabe du Futur, il a fait 4 tomes. où il raconte sa vie. Sa vie, c'est quoi ? Il est le fils d'une Française bretonne et d'un docteur en histoire syrien. Cette autobiographie commence donc dès son plus jeune âge jusqu'à ses 14 ans. L'idée, ce n'est pas du tout de faire une autobiographie classique. L'idée, c'est plutôt de dessiner un tableau sur un monde complexe, le monde arabe. Alors, qu'est-ce que le monde arabe ? Ah bah oui. Je vous pose cette question. Alors, le monde arabe... Déjà, le terme arabe, en français, souvent, c'est quelque chose d'un peu préjugé. On va assimiler le terme arabe à un terme raciste. Néanmoins, là, on revient à Riaz Tatouf. Il montre justement ce monde arabe qui va s'étendre de la Syrie à l'Égypte. Donc, jusque... justement, pour, par exemple, par rapport au terme arabe, quand j'ai écrit cette chronique, mon ordinateur m'a dit « Non, c'est mal, c'est un terme potentiellement raciste et préjugé ». Pourtant, oui, moi aussi j'ai eu cette... Pourtant, je rappelle qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, les Arabes, donc ce courant nationaliste, qui, accompagné du colonel britannique Lawrence d'Arabie, ont fait tomber l'Empire ottoman, et donc il s'est développé de l'Égypte à la Syrie. On voyage donc à travers cette bande dessinée, notre héros se rend en France, en Libye, en Syrie, et même au Liban pendant la guerre civile. On trouve également à travers le discours du père... Un discours pas forcément très politiquement correct et qui va nous faire réfléchir justement sur une société très différente. Le père a des propos assez racistes envers les autres Arabes français, qu'il assimile comme Arabes, c'est-à-dire les Maghrébins, mais également les Noirs, les Juifs. Ce discours très dur justement est repris à chaque fois par la mère. De même, le père a des discours contre les États-Unis, qu'il assimile en faveur de l'Israël et qui marque donc une certaine animosité déjà des Arabes envers l'Occident. Ainsi, Riaz Tatouf nous plonge en plein cœur de ce monde arabe, à travers les différents dictateurs de l'époque, que ce soit Saddam Hussein, la famille Assad ou encore Kadhafi. Ces figures-là sont d'autant plus intéressantes que son père se voit un peu comme une figure identique, c'est-à-dire un arabe moderne, un arabe du futur. On voit également une haine viscérale envers l'Israël. Souvent, le jeune Riaz Tatouf, dans la bande dessinée, a peur d'être assimilé un juif, c'est souvent une insulte à l'époque en Syrie. On rappelle que jusqu'en 2011, la Syrie et l'Israël étaient encore en état de guerre. À l'époque de Riaz Tatouf, lorsqu'il est enfant et qu'il est en Syrie, la Syrie s'engage avec l'Égypte dans la guerre du Kippour. On est donc baigné dans cette haine, la haine de l'autre qui est surtout engendrée par le personnage du père et qui va interroger notre personnage qui est en pleine recherche de son identité. Son identité, justement, est très compliquée, puisqu'il est fils de Bretonne et fils de Syrien. Il est plongé dans deux mondes. D'un côté, une famille arabe, très traditionnelle dans ses rites, vivant au milieu de la campagne syrienne. Et de l'autre, une famille française beaucoup plus moderne, mais également assez en retard par rapport à notre monde actuel. On voit alors des questions et la difficulté de choisir être français ou être syrien. Régulièrement, il indique avoir peur de vivre en Syrie à cause du regard des autres. Pour rappel, notre héros est blanc et blond. Il fait donc tâche, il est souvent victime d'insultes, d'harcèlement lorsqu'il est en Syrie. A contrario, lors de sa scolarisation en France, son nom de famille et son prénom font de lui un étranger. Riaz Tatouf est donc étranger partout où il vit et ça, pour construire une identité, ça va être compliqué. De même, cette identité est marquée par l'indépendance progressive de la mère et donc des femmes. Dans les premiers tomes, elle suit sans problème, son mari ne travaille pas et subit beaucoup de cette nouvelle vie. À partir du tome 3, elle n'accepte plus tous les sacrifices et ne veut pas devenir une femme au foyer comme le rêve son mari. Elle veut avoir plus de choix dans l'éducation de ses enfants, par exemple elle veut qu'ils soient scolarisés en France. Cela crée d'importants débats et cette mère va prendre de plus en plus position en faveur de son indépendance et ne souhaite plus aller au Moyen-Orient, mais rester en France. En bref, pour finir, pourquoi il faut lire l'Arabe du futur ? C'est rempli d'anecdotes. On apprend que, par exemple, en Libye, les maisons n'avaient pas de serrure puisqu'elles appartenaient à toute la population. En Syrie, les maisons n'étaient pas finies pour ne pas payer d'impôts. De même, il est très intéressant de voir que, depuis sa sortie, l'Arabe du futur a dépassé en nombre de ventes le nouveau essai politique d'Éric Zemmour, et ça, c'est plutôt cool. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cette drôle d'histoire sur l'Arabe du futur. Donc, un livre que l'on vous recommande tous à acheter si vous souhaitez mieux connaître le monde arabe via en plus un auteur franco-syrien.

Bah, elle a jamais été réputée pour être forcément très précise. Oui, cette en effet, mais pourtant, on vérifie les sources. Normalement, oui. Normalement. Normalement. Et bah, toi, Pierre, toi qui es prof d'histoire? Je pense que c'est un bon outil, mais il faut toujours confronter la source pour essayer de trouver quelque chose de véridique. Voilà, il faut toujours confronter les sources, notamment mais en plus. Reste allé en bibliothèque. Ou reste allé en bibliothèque, les archives nationales et départementales aussi. Oui. Nous avons aussi les historiens. Les historiens qui ont fait énormément de recherches et d'un seul coup une encyclopédie qui leur dit que leur travail ne servait strictement à rien puisque c'était pratiquement entre 18 et 20 millions. Bon, bah maintenant, on reste plus qu'à essayer de les retrouver, les 10 millions. Hein, ouais, qu'est-ce qu'il on va aller voir à l'ossuaire, compter le nombre d'ossements. Qu'il y a ah là. Bah oui, oui, on viendra avec vous et Pierre aussi va s'atteler à cette tâche. Voilà. Donc, et c'est historique, la deuxième actu historique, c'est historique, la Nouvelle-Calédonie a voté le 4 novembre dernier pour son référendum. La question était, souhaitez-vous que la Nouvelle-Calédonie reste ou non dans la France? Alors, une participation qui avoisinait les 82%, donc assez historique, mais en même temps, le score est lui aussi historique, 57% de non, 43% de oui. Alors, pour vous, est-ce que ça vous étonne ce résultat en Nouvelle-Calédonie, même si vous ne connaissez pas, ou peut-être que vous connaissez ? Le peu que j'ai entendu, la question était assez complexe, puisque le problème, c'est de si jamais ils prennent leur indépendance, c'est quel pays aura la mainmise sur eux ? Apparemment la Chine, parce qu'ils ont certaines ressources, notamment du nickel. Du nickel, c'est ça. Le minerai de nickel, en effet. Donc c'était la principale question. Alors, bon, après, voilà, je n'ai pas forcément d'avis sur la question, parce que d'un côté, ça aurait été bien. Enfin, dans l'identité d'un pays et d'une nation, c'est bien qu'on ait sa propre indépendance après des siècles de colonisation. Mais voilà, aujourd'hui, est-ce qu'il pourrait avoir une réelle indépendance ? Je ne sais pas. Et toi, Pierre ? Pour le coup, je pense qu'il y a une vraie question, une vraie politique à mettre en place par rapport au dom-tom. Ça, c'est mon avis personnel, parce que on le voit en ce moment avec la manifestation des Gilets jaunes, mais dans les dom-toms, c'est particulièrement touché. Alors, je dis pas notamment la Réunion, je suis favorable forcément à cette manifestation-là, mais le fait d'être autant rattaché économiquement à la métropole peut présenter des inconvénients, et justement, c'est souvent les prétextes que parlent les habitants de ces îles-là. Alors, l'autre, parce que pour vous, en effet, il y a l'économie, mais ça, c'est énormément développé par notamment les loyalistes. Mais pour les indépendantistes, en effet, comme toi-même, tu l'as dit, Florence, c'est en effet l'identité. Mais en Nouvelle-Calédonie, l'identité, elle est complètement morcelée. On a une identité kanak, il y en a qui se disent caldoches, et d'autres, les Français, les Chinois, les Vietnamiens qui habitent là aussi depuis longtemps en Nouvelle-Calédonie, eux, ils sont plutôt assez marginalisés. Donc, ils sont plutôt assez délaissés par les locaux, qui en plus, les Kanaks entre eux se battent parce qu'il y en a qui sont favorables au maintien dans la France et donc qui sont des traîtres par rapport à ceux qui sont plus pour l'indépendance. Il y en a chez ceux qui veulent garder des liens avec la France, ils accusent les indépendantistes d'être trop utopistes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les deuxième et troisième référendums, les loyalistes, notamment emmenés par Pierre Frogier, eh bien en fait, demandent l'annulation des deux autres référendums de 2020 et de 2022, notamment aussi par Calédonie Ensemble, qui a deux députés qui sont à l'Assemblée nationale, dont l'un qui est très connu, Philippe Gomez, en Nouvelle-Calédonie. Eh bien en fait, pour eux, cela ne sert strictement à rien de faire d'autres référendums, puisque le score sera le même. Donc, pour moi, alors ça c'est après mon avis personnel, pour moi, même si je suis favorable au maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France, eh bien, je ne suis pas favorable à ce qu'on ne respecte pas un accord qui est celui qui a été signé entre l'État français et la Nouvelle-Calédonie. Pour moi, il faut qu'il y ait un respect. Un respect dans les deux parties. Notamment en plus du côté indépendantiste que loyaliste, ça c'est clair et net. Mais les deux côtés doivent maintenant s'unir pour essayer de construire le pays. Parce que ce n'est pas jusqu'en 2022 qu'il faut toujours ressasser la question du référendum et ne rien en fait faire après pour les Calédoniens juste à côté, qui se plaignent énormément plus de la vie chère. Un panier calédonien coûte 36 fois plus cher qu'un panier français, ce qui est une aberration, même si tous les produits sont importés. Et pourtant, le gouvernement calédonien ne semble pas être à l'écoute Donc c'est ce qui va mettre aussi fin à cette à l'émission Histoire d'en parler pour ce mois-ci. Donc nous espérons vous retrouver le mois prochain avec de nouvelles actualités historiques. N'oubliez pas aussi que nous avons une page Facebook Histoire d'en parler. Et aussi, nous allons bientôt avoir un compte Instagram. N'hésitez pas à rester connecté sur les réseaux sociaux pour nous suivre et pour avoir de nouvelles informations. C'était Histoire d'en parler sur Radio Fadjet et continuez à écouter cette radio sur 94.2 FM.